de par l'attentat. À ce temps, je fonce dans le tas. Dommage, tu comprends pas. Direction 117 Sud pour remplir mon mandat. Représenter Noranda, Rouen à 7 heures dans le bois. Et tant qu'on fasse nos affaires, je suis venu par faire la matière. Ils ont colonisé ma terre, maintenant je retourne à la gare. Et tant que je touche un salaire, moi c'est facile que ça l'air. Rester longtemps en arrière, orienter ma carrière. J'acquiers le respect, c'est sûrement que je reste vrai. Je veux pas faire le frais, mais y'a plus rien qui m'effraie. À chacun son effet, moi je me déplace à mes frais. Tu veux savoir si je suis prêt? Écoute de plus près. Dans mon trou les malaises, ça pousse pas des jardins. De Eric pis Richard qui remplissent les gradins. De l'éthique pis l'effort qui nourrissent mes matins. La fraîcheur du printemps pis l'odeur des sapins. L'écriture me conquit, l'éric s'approfondit. Je me fous bien de ce qu'on dit, mais fais de moi j'arrondis. Un autre joint qui retentit, mais je serai bref et concis. Pour tous ceux qui ont compris, tout bon shit à bon prix. J'ai plus d'une corde à mon arc, est-ce que je veux laisser ma marque? Il est temps que je débarque, je veux pas finir dans un parc. J'aime mieux finir sur un track, avoir mon CD de back. J'ai pris de baraque, avec un beat qui massacre. Avec un beat qui déchire, j'arrive pas sans réfléchir. Avec des rimes de cuivre, j'ai mis du temps à séduire. Que ceux qui m'aiment me suivent, animés par le désir. La marchandise, je te livre, puis essaie pas de saisir. Au plaisir de divertir, je peux être encore plus précis. Je sais pas si je l'ai dit, je donne du crédit à ceux qui apprécient, à ceux qui représentent, ceux qui défendent leurs défis. Pour ceux qui écoutent, qui attendent, que je veux répondre mes écrits. Moi, je veux répondre à l'appel, même si vous le faire en acapella. Je vous prête l'appareil, tant pis pour ceux qui sont jamais là. Pour plusieurs étrangers, peut-être que je vais rien changer. J'ai pas peur du drame, mais je suis conscient du danger. À ce temps, j'ai une nouvelle âme, tout le monde garoche et vous se plancher. Un set coupé au gramme, je passe du plan A au plan G. Sentier qui diffère, la celle qui coule et celle de conifère. Tu peux rien y faire, pas le même hiver, pas le même univers. Parmi tous mes flots, un flot qui flotte au printemps. Un beau ruisseau plein de jolis mots qui transperce ton tempin. Des fois sage, délinquant, je fais mes devoirs quand vient le temps. Un étudiant à printemps, j'ai hâte de me voir dans 20 ans. 25 ans, j'ai grandi, mais j'suis encore juste apprenti. Une fois l'envie ressentie, je me débarrasse de ce qui me ralentit. Garanti de me laisser aller, une fois déballé, une fois installé. J'suis comme la fumée d'un endroit inhalé. Je me suis préparé, je veux faire face à la musique. C'est ça qui m'excite, j'ai même fait mon shit au Mexique. Méthodique, je m'applique, pas pour plaire à critique. Pas pour faire plus de fric, c'est le public qui duplique. Je veux pas tourner à ses quoi, mais je veux ma page d'une grande ligue québécois. Le chemin est étroit, faut croire en soi, mais j'y crois. Faut voir grand, mais j'y vois. Découragé, ben des fois, ça arrive souvent, je me déçois. Mais j'étais assez grand pour me taper ses doigts. Et 7, 17, 77, tu dis que j'ai chanceux. Ici, y'a pas de recette, je travaille, pourquoi tu m'en veux? J'suis devant ceux qui se la jouent, je lui présente ma joue. Les jaloux, pour réussir, j'avoue, ça prend des atouts. Ça prend une équipe, une famille, des gens qui t'appuient. Pour faire face à la vie, ça prend la vie des amis. Sinon, tant pis au tapis, maintenant je suis ravi. Le rap, c'est ma vie, je l'ai acquis, j'ai appris. Voici ma thérapie. Y'a pas de recette au Québec, qu'on nous nourrit aux miettes. Moi je dis germain à la défaite, je libère mon premier set. Je me répète au Québec, qu'on nous nourrit aux miettes. Moi je dis germain à la défaite, je libère mon premier set.